L'actualité à Nancy et ailleurs. La Belle Porte est une association qui accueille, loge et accompagne des migrants à Nancy. Une équipe de bénévoles pour qui la fraternité se concrétise au quotidien. Et encore plus aujourd'hui depuis quelques semaines avec le conflit en Ukraine. Plus de 2 millions de personnes déplacées et près de 7000 réfugiés arrivés en France. Jean-Louis Perquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association La Belle Porte et vous accueillez depuis de nombreuses années déjà des migrants. Quelle est la situation aujourd'hui, notamment avec l'Ukraine ? La Belle Porte accueille des migrants, mais on accueille essentiellement des migrants qui sont des gens qui sont dans une situation un peu particulière, puisqu'on accueille pratiquement pas les demandeurs d'asile quand ils arrivent, mais on accueille les familles quand elles sont déboutées de leur droit d'asile et qui, pour différentes raisons, restent en France. Donc on est essentiellement orienté vers le logement, l'assistance et l'aide aux droits des gens qui n'ont pas de papier. Alors maintenant arrive, on annonce, je crois qu'elle est en train de se concrétiser ces jours-ci, une vague de réfugiés ukrainiens qui sont des gens qui sont dans une situation un petit peu différente de celle que j'ai donnée tout à l'heure pour les migrants classiques, entre guillemets, puisqu'ils sortent d'une zone de guerre, ils arrivent dans nos pays, ils ne sont pas à proprement parler demandeurs d'asile, ils sont pour l'instant des réfugiés, c'est-à-dire des gens qui quittent des lieux de violence et dont probablement l'espérance, c'est de pouvoir rentrer chez eux le plus vite possible. Ils ne sont pas là pour quitter définitivement un pays dans lequel ils seraient, même s'ils le sont aujourd'hui, mais définitivement menacés. La vague a commencé en Pologne, bien sûr, hein, tout le monde l'a vu à la télévision. Maintenant, elle s'étend à l'Allemagne, et puis elle est arrivée en France au début de la semaine. Elle est arrivée à Metz il y a 2 jours, et elle arrive chez nous en ce moment, un petit peu au compte-gouttes, hein, mais c'est quelques familles, quand je dis quelques, c'est quelques dizaines de familles, et on n'a pas encore un flux massif arrivé. Alors, qui arrive ? Donc, ce sont des gens qui fuient la guerre, qui sont souvent des familles, rarement des personnes individuelles, souvent des femmes avec des enfants sans des hommes, qui sont restés se battre, et qui arrivent soit par leurs propres moyens, avec leur voiture personnelle, soit par les transports en commun, puisque vous savez que ceux-ci ont été rendus gratuits par l'Union européenne pour les réfugiés ukrainiens. Ils arrivent un peu à n'importe quelle heure, de jour et de la nuit. On a eu hier 18 qui sont arrivés de la nuit, à 22h ou 23h. Voilà. Et là, se posent donc 2 problèmes. Le premier problème, c'est l'accueil immédiat. Hein. Vous arrivez, où est-ce que je m'assois? Est-ce que je pourrais avoir un café? Comme il est 22h, est-ce que je peux dormir? Est-ce qu'on peut prendre une douche? Est-ce que nos enfants peuvent dormir dans un coin tranquille, etc. Donc il y a un accueil immédiat. Et puis, la deuxième chose, c'est il y aura probablement un accueil un peu plus prolongé. On espère pas trop long, mais en tout cas, il faut envisager quelques mois quand même. Avant que, et on espère, la situation se stabilise, puisqu'on n'est pas forcément dans la politique du pire, où on ne peut pas imaginer à ce stade-là le pire. Alors, face à ça, on a essayé d'anticiper, et on a en fait fait 2 choses. La première, ça a été de demander aux bénévoles qui le voulaient de nous faire leurs offres de logement ou d'assistance. Je suis prêt après à transporter des gens avec ma voiture, je suis prêt à loger 1 personne, 2 personnes, 5 personnes. Et pour ça, on a ouvert une plateforme téléphonique dans laquelle les gens sont accueillis et peuvent dire ce qu'ils peuvent offrir. On n'était pas capable, quand on l'a ouverte, de mettre en regard de ces demandes de bénévoles les demandes de migrants ou de réfugiés. Ils n'étaient pas encore là, mais on a anticipé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près une liste de, disons grosso modo, de 150 lits qui sont disponibles dans Nancy, chez environs, ou même parfois plus loin, qui permettraient et qui pourront permettre de loger temporairement des gens. Parallèlement, on n'est pas seul à faire ça. Hein. Il faut savoir que l'État se mobilise avec les logements sociaux, etc., de façon à pouvoir mettre à disposition des logements un peu pérennes pour que ces gens-là puissent s'arrêter ici quelque temps. Puis la deuxième initiative qu'on a prise, et on l'a prise avec l'association du domaine de l'année, elle a été de dire on va faire un accueil d'urgence parce qu'il y a des gens qui arrivent le samedi, qui arrivent le dimanche, qui arrivent dans la nuit. Et ces gens-là, bah, il ne faut pas qu'ils traînent en ville, même si leur zone d'enregistrement normale, c'est la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Il faut qu'ils puissent attendre les heures d'ouverture de la préfecture. Et donc, on fait, avant que ces gens-là soient réaffectés sur des logements permanents, un accueil intermédiaire dans le domaine de l'année. On a déjà accueilli, je compte 5, 6 familles, ce qui fait 32 ou 33 personnes à peu près aujourd'hui au total. Merci beaucoup. On peut redonner le numéro de téléphone, hein, c'est le 06 52 45 93 84 et l'adresse email c'est plateformeukraine54@gmail.com donc pour vous proposer son aide. Un dernier mot peut-être. Bah écoutez, c'est je crois que tout le monde compatit à cette situation qui est une situation dramatique, hein. Et en tout cas, merci à tous les bénévoles de se mobiliser, merci à tous de se mobiliser, il n'y a aucune arrière-pensée, les choses se font, les gens sont même très insistants. Donc les amis ukrainiens ressentent ça, et c'est aussi une façon pour eux de compenser un petit peu leur désarroi dans une situation aussi dramatique. Alors merci. Merci beaucoup Jean-Louis Perquin, donc président de l'association La Belle Porte et aussi avec les autres associations qui vous accompagnent aussi dans cette tâche avec le Secours catholique, la CIMAD ou encore Un Toit pour un Migrant. Merci. Merci beaucoup en tout cas. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.